Et voilà, donc vous venez d'écouter les connectés de Larry avec Bouffe-moi le site avec du Saint-Doux. Et là, c'était juste un remix fait par Olivier Dapo, je pense. Non, fait par un certain fumiste de l'IRC. Ok. Ben, merci Rigaud. Donc, pour ça, sur le deuxième débat qui va porter sur les sumons, on accueille Prout d'Asie, 19 ans de Dijon. Tu peux me donner la fréquence, s'il te plaît? Ouais, bonsoir, c'est Prout d'Asie, ça sent le sushi. Alors, c'est 97.5. Ok. Nîmes qui pue. Ta fréquence, s'il te plaît? 103.4. Merci. Donc, bonsoir à toi. Rouleau de PQ, 23 ans de Nice, ta fréquence, s'il te plaît. Bonsoir. Salut Gérard, ma fréquence est 107.1. Ouais, ça va être bien ça. Bonsoir. Et Honda, 25 ans de Lyon, ta fréquence, bonsoir à toi. Bonsoir Gérard. Ta fréquence, s'il te plaît. Ah bon, 102.1. 102.1. S'il vous plaît, vous faites pas comme le premier débat. Ouais, hein. Ouais, c'était des gros nazes. Ouais, ben, j'espère que le deuxième ne sera pas pareil. C'est un gros naze, même. Ouais. Alors, le débat porte sur les sumos. Uh-huh. Donc, de quelle origine provient le mot sumo? On va demander ça à Prout d'Asie. Ah, j'ai de la chance, bonne chance. Ouais. Ben, écoute, le mot sumo, alors, il faut remonter aux langues mortes. Donc, il faut parler de l'étrusque, par exemple. Et du copte. Je sais pas si tu parles l'étrusque, toi, un petit peu. Non, mais attends, je te demande de quelle origine provient le mot sumo. Ça vient d'une région qui se situe au sud-sud-est de l'Ouzbékistan. Ouais, Quoi? Je te demande, c'est la dernière fois que je te pose la question, tu réponds correctement. Je te donne une réponse, tu vas pas t'énerver, on va rester calme. Ouais, tu t'as permis ou quoi, là? Ouais. Bon, alors, au revoir. Bah non. Si, au revoir. Donc je continue à répondre. Non, tu continues pas. Ah, au revoir. C'est pas moi. Hein. Au revoir. Non, je continue. Donc, je Manu, s'il te plaît. Au revoir pour lui. Une chance. Non. Vas-y, réponds. Sud-sud-est du Turkménistan, c'est-à-dire on est tout au nord du Japon, quoi, tout à fait. Ah, enfin. Kildare. Ah bah oui, bah, tu me laisses pas le temps de finir. C'est pour ça que je suis obligé de m'énerver pour me faire comprendre. Ouais, bah t'as pas besoin de t'énerver, c'est moi qui commande. Ok, ça marche. Nem qui pue. Oui, alors Gérard, le mot sumo vient du japonais ancien. C'est la contraction de su, de la transpiration, et mo, les deux premières lettres de moule. Transpire de la moule, qui est le sumo en contraction en japonais ancien, repris pour des complications du sport de grosse. Oh là. Non. Ouais. Rouleau de PQ. Ouais Gérard, et bien ça vient effectivement du japonais. Le monsieur qui est passé avant moi avait tout à fait raison. Mmh. Je voudrais rappeler aussi que l'étymologie du mot vient en fait du premier empereur japonais qui s'appelait Hirohito et qui s'est fait harakiri parce que justement il n'arrivait pas à être assez gros pour être un sumo. Mmh. Parce que la ceinture qui devait leur serrer la taille était vraiment trop grande. Mmh. Et tu me dis quand on a marre, parce que j'arrête. Oh, vas-y. Honda. Honda. Ce serait super sympa, ce serait... Honda. Ouais, je suis là. On la voit. Gérard. Oh Suzuki, merci. Gérard, je suis pas sûr d'avoir la bonne réponse. Maintenant, moi, je pense que ça vient des Esquimaux, en fait. Mais... Je suis beaucoup, et donc ça venait de Esquimaux, mot, sumo, et je suis beaucoup quand je suis un Esquimaux. Mmh. Non. Je pense que c'était l'étymologie du mot. Non, alors là, d'où provient, de quelle origine provient le mot sumo, avant que je réponde... En fait, il y a Davy Wan, il sait très bien d'où ça vient, il dit que Oshiwatawa na Masaki. T'as une belle voix, Pauline. Oh là, ça m'aurait pas plu. Hein. Excuse-moi, Gérard, pour répondre à cette question, on a Monsieur Mazur qui s'y connaît super bien. Ah. Ouais, alors, vas-y. Monsieur Mazur, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Bonsoir. Alors, je suis vraiment ravi, Monsieur Gérard, que vous fassiez un débat sur les sumos. Car moi-même, je les étais pendant un stage au Japon, alors que j'avais 17 ans. Ouais. Et je peux vous affirmer que le mot sumo vient en fait de l'Inde, ce qui veut dire gros éléphant. Ouais, alors, pour l'instant, Monsieur Mazur, vous êtes à côté de la plaque. Je peux vous le dire tout de suite. Parce que de quelle origine provient le mot sumo? Et en fin de compte, le mot sumo, j'ai regardé dans le dictionnaire, provient de... C'est un mot japonais. Ah, ce qu'on a dit? Oui. Ouais, mais... Tu peux me réexpliquer ça? Non, je ne vais pas te expliquer ça, c'est tout. Ah, t'es con. Et tu sais d'où ça vient, japonais, GG? Japonais, ça vient du mot Japon. Ouais. D'accord. Ça vient d'où? Ok. Alors, combien doit peser? Pourquoi? Bon, ça y est, oh! Gérard, en fait, sur... Mais vos gueules un peu les auditeurs! Mais pourriez-vous préciser dans quel sens? Vos gueules! Comment ça, Japon? Japon tous les matins. Dans quel sens? C'est quoi, là, ces auditeurs de naze encore? Gérard, il y a Yankee sur IRC, il dit qu'en fait, sumo, ça veut dire gros, alors Gérard, t'es un sumo con. Lui, c'est un sumo PD. Mais est-ce qu'il y a des grosses sumo aussi? Alors toi, c'est le thème du débat envers ça, putain. Ouais. Non, parce que justement, j'en parle pas. Alors là, on va en parler, c'est tout. Ouais, là, vous avez pas parlé de Sandy parce que Sandy, elle vous emmerde. Pourquoi Sandy? Pourquoi tu penses? Non. Combien doit peser un sumo en général? Pardon, j'ai pas compris la question. Oh merde, allez hop, au revoir à toi. Hop, terminé. Essaye d'articuler, on dirait que tu... Non. Allez hop, terminé. Bonne nuit. Je ne répète plus les questions. Côte d'Asie. Je dirais au moins un quintal. Au moins. C'est-à-dire En chiffre normal ou en chiffre romain, tu veux la réponse? Bon, tout à l'heure, je te perds en chiffre romain ou en chiffre quintal que tu as dégagé au standard. Je sais pas, je dirais, allez, on va dire, dans les 100 à 150 kilos. Si c'est du riz, attends, je n'ai pas fini, si c'est du riz. Je crois que ça peut monter à 175 kilos s'il bouffe quelques rouleaux de printemps, là. Mais sinon, pas plus, hein. Là, tu te trompes tout de suite. Pourquoi? Tu te trompes, je vous donnerai le poids exact après. C'est pas le juste prix, là. Tu permets? Je connais le truc parce que j'ai regardé le reportage. Moi aussi, je l'ai vu. Ouais, alors? Et alors? Bah, c'était instructif. Non, mais attends. C'est qui vient de dire ça? Pote d'Asie. Ouais, Pote d'Asie, au revoir, comme ça tu répondras correctement aux questions. Hop! Au revoir! C'était instructif. Au revoir! C'est intéressant. Au revoir. Apprenez des choses. Au revoir. Non, mais je fais ton éducation au passage, tant qu'à faire. Au revoir. Instructif, ça vient de instruction. Au revoir. Prends des notes, vas-y. Non, mais au revoir. Tu réviseras la maison. Tu te débrouilles. On lui dit au revoir. Non, il n'y a pas moyen. Tout ça parce que je veux t'éduquer. Attends, faut pas déconner. Bon, attends, déjà pour l'instant, tu fermes ta gueule. Ce fameux reportage. Bon, tu lui dis au revoir ou quoi, là? J'y arrive pas. Mais je l'ai vu, le film de cul avec les grosses, moi aussi, je l'ai vu. Bon, allez, hop, au revoir. Oh là là. Où est-ce qu'on peut répondre? N'aime qui pue. Alors, Sandy. Bon, alors, au revoir à toi. Non, mais 110 kilos, attends, laisse-moi finir, Gérard. Ça doit faire 110 kilos. Excellent. Je sens que tout à l'heure, je vais virer tout le monde et je vais reprendre d'autres personnes. Mm-hmm. Ouais, ce serait bien. Hein. J'ai l'impression. Alors, n'aime qui pue. C'est 110 kilos. Non. Ben, ça dépend, il y a plusieurs catégories, Gérard. T'as appris à l'école ou pas, les sumo? Je vais dire une chose. Que si t'as bien suivi le reportage... Mais j'ai pas vu le reportage. T'attends le deuxième micro, d'accord? Mais j'en ai qu'un. Ouais, mais je fais pas de double son. Mais non. Rouleau de PQ. Ça va aller jusqu'à 210 kilos. Ouais. Et je crois que même moins, hein. Un peu moins. 210, c'est bien quand même. Ouais. Non, mais un peu moins. Honda. Honda, il est parti, Gérard. Ah bah alors c'est bien. Et on accueille justement, pour remplacer Honda, Petit Scarabée Pourri. Salut, Petit Scarabée Pourri. Oui, bonsoir, Gérard. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça va bien, Gérard? Bonsoir. T'appelles d'où? J'appelle de Montmorency. 101.9. Voilà. Merci de me donner la fréquence. Bah, je vais te les donner, mais tu m'as... Et à la place de Pout d'Asie, on a personne? Gérard. Manu. Gérard. Manu, à la part... Manu. Gérard. Il bosse. Bon, alors, petit scarabée pour toi, donc, la question. C'était le standard, Gérard. Gérard! Il y a des briquets qui vont voler ce soir, hein? Gérard, il n'y a rien qui va voler, c'est passé des trucs, hein. On va se calmer. Bon, Gérard. Ça va voler ce soir. Alors, Gérard, on y va ou pas? Petit scarabée. Oui, pourrite, s'il te plaît. Alors, c'est un sumo, ça doit peser dans les 410 kilos. Et voilà, je pense, voilà. Non, alors moi je peux... C'est pour moi. Non. Le record du sumo, c'est 410 kilos. Non, un sumo pèse entre 180 et 200 kilos. Oui, mais il y a le sumo le plus gros du monde, c'est 410 kilos. Non, parce que j'ai regardé dans le dictionnaire et un sumo pèse entre 180 et 210 kilos. Ouais, mais moi j'ai regardé dans le livre des records. Non, non, mais t'as regardé la main de ma soeur dans la culotte d'un zouave. Ouais, mais c'est des kilos en euros ou en kilos? Ta gueule, toi. Je crois que c'est en dollars. Hey, Gérard, va me chercher un café, mangue-toi. Ouais. Je sens que tout à l'heure, je vais virer tout le monde et on va reprendre des gens au standard. Gérard, Monsieur Mazur, il a pas répondu. C'est vrai en plus. Ouais. Et Non, non, il est plus là, Monsieur Mazur. Si, il est là. Tu rêves. Non, non, non. Si, il est là. Tu rêves des genoux. J'ai dit au revoir. Non, non. Voilà. Donc sur IRC, il y a Laurent qui te demande si les sumo portent des slips jaunes en se connectant sur Internet. Non, sa question, elle a ni queue ni tête. Manu, s'il te plaît, t'arrêtes de t'amuser à balancer des trucs sur Rigaud quand il parle, d'accord? C'est vraiment hein, pas drôle. Monsieur Gérard, c'est Monsieur Mazur. Monsieur Mazur. Je pourrais répondre peut-être à la question. Moi, je crois que les sumo pèsent dans les 35 kilos à la naissance. Non. Bon, allez, troisième question. Un sumo a-t-il le droit de se marier? Une âme qui pue. Oui, mais enfin, quand il se marie, c'est considéré comme une boulette au Japon. Une boulette de riz. Toi, c'est prévenu, fais gaffe! Un truc qui est parti, qui a été jeté. Pourquoi? Tu dis qu'il faut une grosse église. Ouais, mais fais gaffe, toi. Parce que tu me feras pas ça toutes les semaines. Hein. Ah, je dirais pas à la grosse église toutes les semaines. Ouais, ouais. Excuse-moi, Gérard. Gérard? Sur IRC, il y a Seigneur, il dit qu'un sumo, ça peut pas se marier parce qu'ils font pas de bagues assez grosses. C'est faux. Ça dépend. Ils mettent un pneu. Faut voir à peu près les mains. Ça va, Manu, te fais pas chier, hein. Il faut un bracelet pour la bague. Bon, de toute manière, on va balancer un disque. Parce non, que... non, vous commencez à me casser les couilles, ça. Vous êtes des cons. Attendez, les auditeurs, je vous explique qu'ils nous lancent des chewing-gums, mais après, ils gueulent parce qu'on les mange. Ah, non, tu m'envoies la zik, et puis terminé. Mais non, hop. Mais non. Allez, basta. Allez. Non. Alors, j'ai pas répondu. Non. Mais tu vas répondre, tu vas réfléchir à la question et c'est tout. Mais j'ai déjà réfléchi. Non, mais c'est... Tu me donnes la fiche, là. Quoi? Quelle fiche? Mazur. La fiche avec... Il n'a pas fini de répondre. Non, mais attends, Monsieur Mazur, il dégage, je ne veux plus l'entendre. Ouais. Mais non, il n'a rien dit. Il n'a rien dit, Gérard, arrête. D'accord. Putain, mais c'est quoi ces auditeurs, là, que vous me choisissez? C'est toi qui les écoute pas, Gérard. Ouais, non, mais attends, pour l'instant, ça fait deux débats que vous me foirez. Non, c'était très bien. Y'a que ça. Oh non. Vous êtes en train... Ouais. Bien sûr, toi, t'es complice. Ok. J'ai très bien compris. Attends, sur 3 ans, si on a flingué que 2 débats, je trouve que c'est bien. Ouais. Toute la semaine, vous me les flinguez, mes débats. Deux débats seulement, c'est bon. T'es sûr? Ouais, c'est ça. Fous-toi bien de ma gueule derrière, quoi. Fous-toi bien de ma gueule. Voilà, alors. Rigo, une question. Oui, il y a Snooze qui te demande si le féminin de sumo, c'est bien Suma. Là, justement, j'ai regardé et dans le... Et je voulais dire aux gens de l'IRC que c'est pas Sandy parce qu'ils n'arrêtent pas. Ça, c'est bien précisé, Rigo. Je te remercie. Au moins, faut bien dire une chose que j'ai regardé dans le dico et c'est vrai que c'est pas évident. On peut pas donner de nom féminin là-dessus. Ouais. Bravo, Suma, comme les supermarchés. On a une sumette. Suma, comme les supermarchés. Une sumette torette. Bon, alors, celui-là, il s'en va. Au revoir. Donc, Gérard, on peut répondre à la question? Alors, ouais, c'est qui? C'est... Bon, non, mais je peux répondre à la question. C'est qui? Il n'y a personne pour me dire qui c'est. Alors, Manu, l'affiche. Manu, l'affiche. L'affiche de la ZIC, tiens. L'affiche de la ZIC. Tu me donnes la bonne piche et tu me les reprends tous hors antenne. Alors, c'est Petit Scarabée Pourrite, donc je vais répondre à ta question. Non, tu la donnes, là. Oui, il donne ta question. Vas-y, réponds. La réponse. Ouais, donc, un sumo, ça peut se marier, bien sûr. C'est même des super-héros au Japon. Et le problème, c'est qu'ils se marient avec des pauvres bonnes femmes d'1m60 et 40 kilos. Donc, je les vois pas. Allez, un Petit Scarabée, au revoir. C'est vrai, mais c'est vrai. Je les vois pas. Il faut en parler, c'est scandaleux, ça. Je les vois pas en train de faire une position, par exemple, du missionnaire, tu vois. Allez hop, au revoir pour lui. Mais Gérard ! Terminé ! T'as raison ! C'est vrai. Terminé ! Imagine la différence de poids, Gérard. Rouleau de PQ, terminé pour Petit Scarabée. Mais Gérard, j'ai rien dit ! Terminé ! Terminé ! Merci. C'est pas cool, hein. Merci, au revoir. Mais non, Gérard. Rouleau de PQ. Je m'en fous, je pirate l'antenne. Merci, j'arrête. Bon, bébé. Gérard, il y a peut-être aussi un petit sondage sur... qui c'est qui paye bien son boulot? Ah, il va arriver. Bah, c'est moi, je le fais toujours bien, mon boulot. Ouais, c'est pour ça que je l'ai oublié de la troisième question, là, le sondage. Alors, êtes-vous pour ou contre les sumos? 45% sont trop gros pour répondre. Je vois pas du tout. Ben ça concerne Manu. Ouais. 34% sont négativement pour. Ça, je vois pas. Ah ouais. Je vois pas. 15% sont d'accord, mais que si c'est pour faire un régime du cul. Alors, Niette, c'est bien. Bravo le standard. Putain, je suis mort à Duke Nukem. Alors, la question... Qui est assis sur le standard. Donc, c'est toujours la question. Un sumo a-t-il le droit de se marier? On se retrouve après pour la suite du débat. Et on s'écoute le petit sumo de Suresnes avec Prends-moi. La compote t'a pris du poids et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, donc bienvenue sur Fun Radio, il est 2h03 et donc c'était le petit sumo de Suresnes avec Prends-moi la compète t'as pris du poids et pour ça on va recueillir Petit Croissant. Qui va, j'ai tout pas vite. Ta fréquence s'il te plaît. Gay. Yeah. Ta fréquence s'il te plaît. Non, 2-3. Putain. C'était quoi? Tu viens d'écouter quoi Gérard en fait? Bon, tu te fous de ma gueule, je viens de l'annoncer. Ah bon donc, Nem qui pue, donc 103-104. Ouais. Merci Pildar pour le double son. Continue. Tout à l'heure, tu vas te prendre un briquet dans ta gueule, ça va te faire tout drôle, toi, là. C'est un bic, en plus. Gros t'as taré, là. Ouais, ta fréquence. C'est gros t'as raté, hein. Ta fréquence. 91-9. Et rouleau de PQ, j'ai ta fréquence 107.1. Rebonsoir Gérard. Rebonsoir. Donc la question, donc c'est toujours un sumo a-t-il le droit de se marier? Donc un petit croissant pour toi. Bah, moi je pense que c'est comme tout le monde, ils ont le droit de se marier. Il la joue bien. Tu peux préciser le fond de ta pensée, parce que là je crois que... Bien sûr. Bon, d'accord. Manu, si c'est pour me choisir des cons comme ça, des genres de starbé, des folles, c'est pas la peine. Nem qui pue. Hop. Oui, alors ils ont le droit uniquement de se... Nem qui pue. Oui, je suis là, Gérard. Attends, Nem qui pue tout à l'heure, c'était une nana, maintenant ça est... Ça change, ouais, là. Oh là là là là là là là. T'as quelque chose contre les mecs? Bon, ça t'amuse, toi, là? Ça t'amuse de continuer à me filmer? D'ailleurs, ça te perd tout drôle, hein. Ah, mais c'est Kubrick. C'est pour moi, je le regarde. Ouais. Nem qui pue. Oui, alors, les sumos ont le droit de se marier qu'avec des boules de bowling qui ont également deux trous et qui sont rondes comme eux. Oui, c'est vrai. Ouais, gros tataré. Ah bah, non, c'est gros taraté, hein, s'il te plaît. Ouais, hein. Moi, je crois que, en fait, s'ils veulent se marier, les sumos, faudrait peut-être qu'ils fassent d'abord un régime, parce que sinon, gros commission, il n'y a aucune meuf qui voudra d'eux, quoi. Non, c'est pas ça, je t'ai dit, c'est pas ça. De toute manière, le reportage que j'ai regardé, il y en a qui étaient mariés. Hein. Rouleau de PQ. Je sais pas s'ils ont le droit de se marier entre eux, parce que je sais pas s'il y a des sumos PD. Un sumo a-t-il le droit de se marier? Bien sûr qu'il y en a. Ils ont le droit de se taxer, non, peut-être? Oh là là. Gérard, je vais te répondre. Au Japon, se marier avec un sumo, c'est une preuve de grande richesse. Ouais. Et les filles qui se marient avec les sumos, c'est comme s'ils se mariaient avec des seigneurs, en fait. Ouais. Mmh. Elles ont des cassettes vidéo de Goldorak gratuit après. Exact. Ouais. Dédicacées par Noam. Ouais. La question, je vais répondre. Un sumo a-t-il le droit de se marier? De toute manière, oui, comme tout le monde. Et de divorcer? Comme tout le monde. Et d'avoir des enfants? Non, bien sûr. D'accord. Et la sécu, il la touche? Et ma main dans ta gueule, tu vas la toucher? Moi, je voulais savoir, est-ce que les sumos, comme ils sont très gros, ils arrivent à toucher leur bite? Alors, ta question, j'y réponds. La voir. Il y en a qui l'ont jamais vu de leur vie, pareil. Pensez-vous que les sumos sont des super-héros? Alors, j'ai vu sur Internet que ta moustache, en fait, c'était des poils de cul. 53% pensent qu'ils sont moins forts que Batman. Je sais pas qui c'est qui était me chercher un sondage pourri. 42% des gens aimeraient sodomiser culte. Oh, c'est pour. 17% préféraient voir des sumo Watman en string. Voilà, c'est des sumo woman. Ouais, des sumo woman, c'est complètement bidon le, ce sondage, donc je vais arrêter de le lire. Mais non, mais parce qu'on a. Rigo a pris cette. Non, c'est pas Rigo. Mettez pas tout le dos à Rigo. Dis-lui, Rigo. Bah, non. Dans cet appel, il a porté les sacs. Non. C'était bidon. Y a-t-il plus de sumo en France que dans les autres pays? On va demander ça à Petit Croissant. Bah non, moi je pense pas, hein, pas forcément. S'il te plaît. Tu peux presser, continuer le fond de ta pensée. C'est-à-dire qu'en France, il y a environ 55 millions d'habitants. Et je pense que dans les autres pays, on y sont quand même un peu plus nombreux. Donc je vois pas pourquoi en France, il y aurait plus de sumo que dans les autres pays. Voilà. Mm-hmm. Sinon, je pense aussi, je voulais te dire un truc, Gérard. C'est-à-dire que quand on arrive au standard, Fidar, il m'a dit qu'il voulait pas me passer parce qu'il voulait, passer d'abord les habituels. Et ça, je trouve ça lamentable. C'est toutes les semaines pareil. C'est dégueulasse. Voilà. Et c'est tout arrivé ça. Ici. Moi voilà. Aussi, il m'a dit la même chose. Voilà. Alors, c'est vraiment un con, Fidar. Voilà. Surtout que c'est Manu au standard. Voilà. Et surtout que c'est Manu qui vous accueille au standard. Oui, il m'a dit pas de le dire. Mais caressez-moi. Te le dire. Caressez-moi un peu. Une qui pue. Moi, je pense qu'il y a plus de sumo ailleurs qu'en France, en dehors des frontières, sauf en fonction des accords de Schengen, quand même. Il faut en tenir compte. Ah, c'est vrai. Mm-hmm. C'est quoi, Gérard, les accords de Schengen? Je vais laisser finir tout le monde. Et tu réponds après? Gros t'as raté. Ouais, moi je pense que les sumo là où il y en a quand même le plus, c'est pas en France, c'est chez les pygmées. Et un pygmée c'est quoi? Hein? Un pygmée c'est quoi? C'est un petit sumo. Et ouais, n'importe sumo, quoi. Ouais, pourquoi ça vous fait rire? Ils sont complètement débiles. Hein, non, mais t'inquiète pas, ils sont. Ouais, non, vraiment. Et sinon, il en reste encore quelques-uns en Serbie, mais il faut se dépêcher. Rouleau de PQ. Oui, Gérard. C'est surtout pas en France, c'est exactement comme l'a dit mon prédécesseur. Ils ont fixé en fait le poids et l'âge en fonction des accords de Schengen. Et ils en ont reparlé au traité de Maastricht. Et j'aimerais savoir ce que tu en penses. Alors, Fildar, quand t'auras fini de faire ta merde, tu me feras signe. Il chante. Non mais attendez, pour l'instant je vous entends pas parce que Fildar s'amuse à faire des conneries. C'est pas moi, j'ai pas de guitare. Gérard, en attendant, il y a. Qui va y voter sur MFM, hein. Sinon, il y a Snooze sur l'IRC, il demande si. Enfin, il aimerait bien savoir pour son chien. Parce que son chien, il aimerait savoir s'il doit manger du super canigou pour devenir un sumo chien. Non, il n'y a pas besoin. Donc il peut manger autre chose. Tourette, on peut prendre du rafale, c'est le meilleur. Ok. Qui voulait poser une question? C'est l'homme qui pue, je viens de prendre mon encyclopédie sur les sumos. En fait, là où il y en a le plus au monde, c'est chez les sodomites. Et d'ailleurs, là-bas, on dit un sumo et au lit. Non, pas du tout. Donc, merci Fildar. Mais quoi? On t'entend plus. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais il est dans le couloir, là, Gérard. Là, on n'a plus être à l'antenne, c'est pour ça. D'accord. Non, on n'est plus à l'antenne. Mais si, vous êtes à l'antenne. Si, vous êtes à l'antenne, mais il est... Ça y est, il est parti, ça y est. On n'est plus à l'antenne. Allez. Mais si, vous êtes à l'antenne, arrêtez d'être parano. Il avait dû arrêter parce que c'était tellement naze, à mon avis. Non, mais là, attendez, parce que là, il va dans le figure en face. Cherchez Max. Du calme, loulou. Cherchez Max. Donc voilà, donc écoutez. Ça aurait été bien que quelqu'un commute l'autre figure. Écoutez. Hein, loulou, vous me virez Fildar, j'en veux plus. Tu me le viens. Ça y est, c'est encore moi qui vais me retrouver là-bas. Là, tu le viens, c'est fini. Il y a eu un problème de niveau de micro. Allô? Non, un problème de micro, c'est toi qui t'as amusé à le couper. Je l'ai pas coupé. Te fous pas de ma gueule, parce que... Hein? Moi aussi, je sais le faire. De quoi? Tu vois? Hein, je mets ma feuille et je m'amuse ici, ok? Non, mais là, c'est les CD. Donc. Alors tiens, tu mets la feuille là. Ok, votre problème. Pas de problème. Fais bien gaffe, toi. Parce que c'est pas parce que tu arrives dans ta dernière semaine que tu vas me casser les couilles. Pourquoi? C'est vrai. Dernière semaine de quoi? Hein? Là, c'est très bien, après t'arrêtes la pilule et t'as tes règles. Ah oui, c'est vrai. Et toi, c'est pareil. Toi, tu vas, vous allez m'étonner des micros quand je parle. D'accord. Ok? Pas de problème. Bordel. T'as qu'à mettre la pouline à l'arrière? Non, avec ton caméscope, après mieux d'arrêter aussi. Hein? Bravo, parce que si elle n'est pas capable de faire le standard en semaine, le jeudi, si c'est pour me foutre dans la merde, c'est pas la peine. Hein? Parce que là, on n'était pas loin de 10 000. Ah, on a baissé là du oh, coup. Putain, ouais, c'est con. Normalement, on devait 3,10 000 avant la pause. Les doigts dans le nez. Qu'il a raison, Gérard, de remettre un peu les points sur les T. Là, on est à 9,420. Ah. Ouais, voilà. Ça va. Ça va. Ça ouais, 9,420 et à 1h37, on était à 9,896. Ouais. Et juste avant la pause musicale, on était pas loin de 10 000. Alors, toi... Ça a chier, là, ça a chier. Ouais, ouais, mais toi, t'arrêtes tes conneries, d'accord? Ok. Ça va pas te le briquet, ça va être celui que tu vas te prendre après. Putain, il a pas les poches spécialement pour toi. Le problème, c'est que tu sais pas viser, donc tu vas péter un truc dans le studio et tu le paieras. Donc je m'en fous. Non, mais de toute manière, c'est toi qui vas te répondre. Qui casse paye, Gérard. Toi, tu t'écrases, d'accord? Alors, tu la fermes. Allez, Bichon. Allez, mon Bichon, prends la gueule, toi. Bon, Gérard, sinon, pour revenir au débat, il y a Davy One, il te demande où est-ce que les bébés sumo achètent leurs grandes pampers. Dans les grandes surfaces en principe. Il y en a, partout. Oui. Il y en a partout. Sinon, ils rentrent pas dans les petites surfaces. De toute manière, y a-t-il plus de sumo en France que dans les autres pays Donc je vais répondre en principe là où il y en a le plus. C'est où Gérard? Gérard, tu peux répondre s'il te plaît, mon grand? Gérard, là où il y en a le plus, c'est au Japon. Bah oui, c'est le pays du sumo. Bah oui, en général. Hein. Ah ouais. Question suivante. Que doit manger un sumo dans la journée? On va demander ça à Petit Croissant. Mais non. Ouais, Gérard. Oui. Donc c'est Petit Croissant. Écoute, je voulais d'abord te demander une question, moi. Est-ce que tu aurais déjà rencontré un sumo? Non. Jamais. D'accord. Parce que moi j'en ai rencontré un et donc c'était assez effarant. Il mangeait tout le temps dans la journée parce qu'il me disait qu'il fallait qu'il prenne environ pour 15-20 kilos de nourriture par jour. Ça va. Pour pas perdre de poids. Ça va déraper. Ça va partir en couille. Tu m'écoutes? Manu Fildar, vous arrêtez de jacter entre vous, s'il vous plaît. Parce que ça commence à devenir rengaine tous les deux. Mais t'écoutes même pas les auditeurs. Ouais, bah pour l'instant, tu les laisses parler, d'accord? Ça tombe bien parce que je voulais parler un peu de tout ça. Donc je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi alors? Un sumo, qu'est-ce qu'il doit manger dans une... C'est ce que je viens de te dire là, au niveau de tout ça. Personnellement, je vois pas du tout le rapport. Tu m'as pas écouté quoi? Bah non, parce que comme Manu et Pildar, j'actais entre eux. Je vais répéter, donc je disais que Sandy devait bouffer 15-20 kilos par jour. Ouais, bah au revoir Petit Croissant. Sandy, à t'emmerde. Alors là, vous commencez à me casser les couilles avec Sandy. C'est vrai, arrêtez. Vous lui laissez la grappe tranquille et vous arrêtez de parler d'elle. Parce qu'on en a ras-le-bol. Ouais, et en plus, elle était vachement bien dans Grise. Mais moi, je t'emmerde. On parle pas de jumeaux mystère. Bon. Alors, Manu, tu te démerdes, je ne continue pas là. Vous êtes vraiment des enfoirés. Ouais. Tu te démerdes, Manu, tu me cherches d'autres auditeurs, je ne continue pas dans ces conditions-là. Mmh. Ok, pas de problème. Bah, tu peux garder les filles, Gégé, elles sont sympas. C'est Gérard. Ouais. Pas de problème. Alors, rouleau de PQ. Oui, Gérard. Je sais plus ce que c'était ta question, excuse-moi. Alors, c'est que doit manger un sumo dans la journée? Je te fais tous les repas ou... Bah oui, c'est mieux. Non, mais que doit manger un sumo dans la journée? Au petit-déj, c'est breakfast anglais obligatoire. Donc, il mange plein de saucisses et saucissons musulmans. Donc, ça, il mange plutôt du poulet. À midi, ils font un petit déjeuner aussi à 10h. Donc là, il mange plutôt des céréales, des chibres, tu vois, pour éliminer le poulet. Le midi, il mange une pomme. Parce qu'après, ils ont entraînement, donc il ne faut pas qu'il soit trop lourd. À 4h, ils font un petit breakfast aussi, ils mangent un petit brunch avec le thé, ils mangent des petits gâteaux anglais avec de la confiture, de la marmelade d'orange, ainsi que... Non, attends. Rouleau de PQ, s'il te plaît. À 19h, ils mangent. Rouleau de PQ, s'il te plaît, merci. je peux vous dire une chose, qu'un sumo n'a pas le droit de manger de matière grasse. Non, pas de saucisson au poulet, tout ça, rien. Non, déjà le poulet, c'est de la matière grasse. Pas du tout. Ah bon? Non, même le blanc? La peau. Pas, moi je mets du poulet sur mes tartines le matin. Ouais. Non, toi tu occupes ta ton standard et t'éteins ton micro et tu fermes ta gueule. Apolline! Eh, t'es vraiment une chienne toi, hein? Oh non. Non, parle pas comme ça d'Apolline. Elle a l'air quand même. En plus, c'est sa vie privée. Ça ne regarde pas ce qu'elle fait chez elle. Ouais, ça c'est vrai. Donc, sixième question, combien coûtent les habits qu'un sumo porte pour un mariage? On n'a pas répondu, Gérard. Ouais, attends, Gérard. Oh. Ouais. Vas-y, Manu. Ouais, on a... Non, tu dégages, toi. Tu dégages, je t'en veux plus dans le studio. Ah, il veut dégager Apolline. Ouais. Apolline reste dehors, donc. Merde, yes, ça va pas sentir bon alors. Ça va plus sentir bon, je vous le dis. On a pas répondu, Gérard, c'est quoi ce bon, excusez-moi tout le monde. Ah, la bonne gueule. On a pas répondu. Putain, je sens que. On attend, je vais conclure, hein. C'est pas grave. On accueille Sumo Bidik à la place de Petit Croissant. Ouais, bonsoir. Salut, t'appelles d'où? Salut, j'appelle d'Orléans. Ta fréquence, s'il te plaît? 103.8. Salut, bonsoir l'équipe, salut GG. Salut, ça va? Salut mec, ça roule, c'est cool. Fun school. Cool. Yes. Bon, ça y est, ouais. Avant qu'il réponde, il y a quand même Seigneur qui a une bonne question sur l'IRC. Il te demande à combien de kilomètres heure va un pet sumo? Ah, là, je sais pas. Aucune idée. On peut répondre? Ouais, remarque, ouais. Bon, alors, moi, je suis éleveur de sumo et je leur donne pédigré pâle. Non, mais c'est bien de préciser le... La demarque. C'est bien. Je sens que tu as dégagé, toi. Est-ce qu'ils ont un beau poil? Oui, ça va. Bon, enfin, ouais, alors hop, terminé. Au revoir. Au revoir. Voilà, comme ça va plus vite. Et donc... fais gaffe parce que toi aussi, tu risques de dégager. Alors Manu, c'est la dernière fois que je te le dis. Tu me changes tout le monde. Ah bah, je vais l'arriver, moi. Justement. Ah ouais. Justement. Tu me changes tout le monde. Justement. Et on va s'écouter. Non. On vient de mettre un disque. Non. Pour l'instant, c'est moi qui commande. Ah bah, tu te caresses et après tu commandes. Ouais, je me caresse tout à l'heure. Tout à l'heure, tu vas prendre. Non, tu fais ton taf là, vas-y. Non, on travaille, Gérard. On n'est pas là pour écouter des disques. Autrement, tu écoutes la. Non, moi je crois que ça va. On accueillait quand même Petit Dragon Jaune. Ouais. Voilà. Tu as la place? Oui, la place de Nem qui sent là du. Bonsoir tout le monde, bonsoir Gérard, ça va bien? Voilà. Eh, hey, vous savez? Oui. Bon, attendez. Oui. Eh, hey, Manu. Bonjour, un conseil que je te donne. Quoi? Vous me prenez sur les lignes. Je ne veux pas le savoir, vous me prenez des lignes. Gérard, il vient me prendre sur la ligne. Il fait des lignes. Ouais. Voilà. Je sens qu'il y en a qui vont dégager. Bon, alors. Question. Alors, vas-y. Non, mais la question, c'est que je dois manger un sumo dans la journée. Ah, moi, je n'ai pas répondu encore. Hein. C'est qui? Hein? C'est Gros Taraté. Eh ben, tu vas répondre. Ah bah ouais, je vais répondre. Un sumo, il bouffe que des hamburgers McDonald's parce que c'est super bon. Alors, au revoir. Au revoir. Hop. Pourquoi au revoir? Au revoir, on précise pas de marque. Hop. Ciao. C'est qui, ciao? Gros, t'as raté, là. Hop. Au revoir. J'ai dit qu'il mangeait plein de hamburgers parce que c'était super bon. Ouais, c'est ce qu'il a dit, hein. Ouais, non, mais je veux pas le savoir. Tout le monde, tu vas voir. Ah, mais merde! Mais non, mais c'est vrai, je t'assure. C'est vrai. Encore, j'avais donné une marque. Oh, pizza! Non, il a pas dit pizza. Allez, hop, au revoir! Bonjour! Oh putain, vous me faites chier au standard! Calme. Bon. Gérard, attendez, Gérard, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ben voilà! Faut couper les auditeurs, excuse-moi Gérard. Bah ouais, bah voilà. Mais vous êtes en antenne, les auditeurs, là, il est en train de gérer avec le standard. Voilà, et sur IRC, il y a Dan qui te demande si la taille d'une bite de sumo est proportionnelle à son poids. Non. Et pourquoi? Non, parce que là-dessus, j'ai pas, on n'a pas pu en savoir plus. Donc tu sais pas, dis pas non, dis que tu sais pas. Disons, je peux pas y répondre, voilà. Ah d'accord. Je préfère lui dire tout de suite, je peux pas te répondre sur ta question. Et je souhaite une bonne nuit à Snooze. Ok. Donc, la question suivante, c'est combien... Eh ben non, ce serait important. Bon, Olivier. Voilà. Donc, tu retournes dans ton studio de Réa. Ah, il n'a pas tenu longtemps. Bon, Gérard, le débat là-haut. Non, mais moi, vous me changez les auditeurs parce que. Allez, mais ils sont changés. Ils sont presque tout nouveaux, Sumo Bidik. Non, on va y aller, je vais bien il est nouveau. Pour le PQ, elle a rien dit. Et Gros Taraté, il répond bien. Donc, tout va bien. Ouais, c'est vrai. Alors, rouleau de PQ. Bon. Oui, Gérard. Excuse-moi, mais il y a quelqu'un qui me parlait hors antenne et je n'ai pas entendu. Le numéro, c'est quoi? La question, c'est que doit manger un sumo dans la journée pour la dernière fois? Je t'ai déjà répondu, alors j'en étais. On a tous répondu. Non, moi j'ai pas répondu. Mais bon, c'est pas grave, alors on peut passer. Pas fini. Bon, je sens qu'ils sont pas bons. Donc Manu, tu te démerdes. Pourquoi? Tu gères et tu me trouves d'autres auditeurs pour la fin des questions. Non. Je ne veux pas le savoir. Bon, Gérard. Je ne veux pas le savoir. Gérard, il y a Seigneur qui a une bonne question. Il voulait savoir si tu connais des prises de sumo. Non. Tout là, celui-là. Bon, ta gueule, toi. C'est pas mauvais comme question, je suis désolé. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc, non, je connais... Vas-y, Gérard. Je connais pas de prise de sumo. Même dans le jeu, t'en as pas vu? Non, tu m'as tout mis. Mais tu m'as tout mis tout à l'heure, je vais te mettre ma main dans ta gueule, toi, ça va te faire tout drôle. Donc, tu me gardes rouleau de PQ et tu me changes les autres et on se retrouve après. Et le titre du disque, c'est... Non, mais attends, Gérard, on va... Non, la question, c'est combien coûtent les habits qu'un sumo porte pour un mariage, et on se retrouve tout de suite après. Donc, sûr... J'ai pas le disque, moi, le titre, je l'ai pas, c'est Manu qui a les titres. Oh! Mais je croyais qu'on mettait pas le disque maintenant. Si, si, si. Donc, t'annonces... Ah, mais j'ai pas le titre. Et donc, ça va être... Non, non, mais Manu, tu vas te démerder. Ça va être les soucis parisiens avec remets ton torchon avec ton cul et on se retrouve après. Et voilà, vous venez d'écouter les soucis. Voilà, vous venez d'écouter les soucis. Olivier! On s'en fout! C'est bon. Donc vous venez d'écouter I Love American, on les soucis parisiens avec remets ton torchon, avec ouais ton cul, donc des disques, des musiques, des titres comme bien ça, j'en veux pas. Bien remonté, ouais. Donc la question, c'est combien coûtent les habits qu'un sumo porte pour un mariage, et pour ça on récupère Sumo Luscon. Sumolusque, oui, tout à fait, bonsoir. Ta fréquence ? Oui, j'appelle de Lyon et j'écoute sur Internet. Ta fréquence ? J'ai pas de radio. Non, mais tu me... Par Internet, il n'y a pas de fréquence, Gérard. Ils écoutent par Internet, c'est tout. Alors, sur Lyon, la fréquence Lyon, c'est 102.1. Tu te foudras pas de ma gueule. Voilà, c'est pour ça que je voulais pas dire de bêtises. Ouais, ben, le prochain coup, quand je te demande une fréquence, tu me la donnes, s'il te plaît, merci. Mais moi, je suis moderne. Ta casquier ? Oui, bonsoir, Gérard, j'appelle de 13e arrondissement parisien, 103.9. Non, 101.9, tu ne fous pas de ma gueule non plus. Rouleau de PQ, 107.1. Rebonsoir, Gérard. Rebonsoir à toi. Bonsoir, honorable. Et Sous-Yonne, ta fréquence, s'il te plaît. C'est 101.9, salut, réservoir prod en force. C'est cool. Ah ouais. Donc, la si question... Pardon, si tu me le permets pendant 5 secondes... Ouais, bah pour l'instant, tu vas te la permettre. Ok. Permets-toi. Je fais une petite délifone à mon pote Jean-Luc de Réservoir Prod et à mon pote El Cabache qui paye pas mal. Ouais, Tony, tu fermes ta gueule. Ok. D'accord, Tony? Ah non, je suis la même voix, mais c'est pas pareil. Ouais, ouais. C'est ça. Alors donc, la question, je la répète pas, donc... Simonosque... Alors combien ça coûte quand il se marie en pagne? Ben je sais pas, quand il se marie, ben moi je dis qu'il se marie en pagne, donc je sais pas, il y en a pour 30 balles de tissu quoi. Ça se marie c'est toujours en pagne. Combien coûtent les habits qu'un sumo porte pour un mariage? 30 balles. C'est la question, c'est pas... Écoute-moi, il y en a pour 30 balles de tissu pour faire un pagne. Putain. Mais écoute Gégé, t'as vu le reportage? Mais les as vus. Il les a vus, ils ont juste une ficelle entre les fesses, là, ils sont à moitié nus, et ben ils se marient pareil. Non, t'as qu'à chier, parce que je commence à me prendre la tête. Oh là là là là. Pour se marier, étant donné que les sumos ont un grand poids, ils ont le prix de gros, donc pas très cher. Mais tu peux préciser? En yen, ça fait 17 000, et ce qui donne en euros actuellement, au cours de 6 francs 47,533, environ 230 euros. Ouais, ben la question des euros, c'est juste après. Donc, je te remercie de prendre déjà la question. Rouleau de PQ. Oui, Gérard. En fait, ils se marient en costume traditionnel. Donc, c'est vachement compliqué. Ils ont des tiares, des sceptres, enfin bon. Gag. Non. Si, c'est vrai. Non, ils sont en pagne, moi, je te le dis, ils sont en pagne. Oh, vous laissez parler les gens, s'il vous plaît, derrière, merci. Ce sont effectivement des pagnes de cérémonie. Ah, tu vois ? Qui coûtent assez cher et qui sont toujours blancs. D'accord. Question, parce que je voyais que tu voulais poser une question, Rigo. Tout à fait. On n'a pas le temps, Rigo. Il y a Dan... On n'a pas le temps. On trace. Il y a Dan qui se demande si les sumo... On n'a pas le temps. Voilà, oui, on n'a pas le temps. Oh, Tony, tu dégages, au revoir. Attends, c'est bon. Il a rien dit. Non, mais même, il a pas passé dans les débats. Au revoir pour lui. C'est pas Tony. Non, c'est presque pas. Non. C'est pas Tony, c'est spermosensible. Ouais, mais tiens. Hop. Je peux répondre à la question ou pas? Non. Donc, il y a Dan qui se demande si les sumos, ils utilisent des sacs à balles comme préservatif, un peu comme une certaine catelle qui utilise des sacs plastiques comme baignoire. Non, je pense pas. Je pense pas du tout. Mais moi, je voudrais que les gens je voudrais que les gens sur l'internet répondent quand même aux questions correctement. Ouais, ouais quand même. Pas de private. Ça sera un minimum, pas de private. Suzy One. Ouais, donc pour répondre à la question, je sais pas, un sumo, tu lui donnes une corde et un tablier, ça lui fait un string et c'est bon quoi, pour le boulot et pour tout, pour le mariage. D'accord avec moi. Ils sont un crade, ces messieurs. Je crois qu'il mettait pas des kimonos pour le mariage, Gérard. Non. Question suivante, peut-on payer un sumo en euros ou pas? Ouais. On va demander Tony. Non, appelle-moi Suzy One, je crois. Ouais, non, mais Tony. Bah alors arrête parce que toi je crois qu'on t'avait interdit d'antenne, donc je vois pas pourquoi tu repasses toute la semaine dans les débats. Non mais c'est pas grave. Si c'est grave. Parce qu'il y en a marre que tu passes dans les débats. Je peux répondre sérieusement aux questions là, il y a mes potes de réservoir pour. Non mais moi j'en ai rien à foutre, tu dégages, je ne veux plus t'entendre dans mes débats. Non mais bon, je vais répondre à la question. Non. Mais s'il te plaît. Non, tu ne réponds pas. Mais Sandy elle m'aime bien. Sandy elle t'emmerde. Non. Au revoir. Hop. C'est vrai en plus, elle m'aime bien. Voilà. Alors, tu le laisses en antenne, Max, il va s'en occuper, celui-là. Gérard ? Oui. Ouais, sur IRC, il y a Davy One, il demande si ça existe, le Kama Sutra pour sumo, et si oui, est-ce que ça ressemble à un excrément de dinosaure fossilisé ? Alors là, très bonne question, je ne pense pas. Non ? Non. À mon avis, je ne pense pas. Mais ça ne doit pas être les mêmes positions aussi. Non, mais je ne pense pas. Tu me gardes Tony en antenne pour Max, hein ? Je peux pas, il a coupé, là. Ah, ouais. Rouleau de PQ. Oui, Gérard. La question, c'était à sa portée sur quoi? Ah oui, sur les euros. Mmh. Peut-on payer un sumo en euros ou pas? Le sumo ne se fait pas payer en argent. Le sumo se fait payer, entre autres, en nourriture, ainsi qu'en appartement. Enfin bon, ils ont tout gratos, quoi. Oui, mais, attends. Ce que je disais tout à l'heure, c'est des seigneurs. Mmh. Ils n'ont même pas besoin d'avoir d'argent sur eux. Ils ont tout gratos, quoi. Tout non, mais rouleau de PQ. Oui. Rouleau de PQ. Oui. Il y a quand même un truc que je voulais te dire. Mmh. Quand ils font des combats, ils sont quand même payés. Non. Ah si, ils sont payés en nature, donc ils gagnent pas d'euros. Non, mais ils sont quand même. Non, mais ils sont pas payés en nature, ils ont quand même de l'argent. Oui, Manu. À la place de Suzy One, on va accueillir Ginsu 2000, mais je te préviens, il a un style très tranchant, fais gaffe. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Hey. Comment qu'il s'appelle lui? Ginsu 2000. Ginsu 2000. Bonsoir, Ginsu. Salut. Bon, Ginsu 2000, t'appelles d'où? J'appelle de Paris. Donc 101.9. La fréquence, bien sûr, 101.9. Yeah. Donc, tu peux répondre à la question? C'était... L'euro. Comment ils sont payés, c'est ça? Ouais. Mmh. Ouais, ils sont pas payés, les sumos. Hein. Tu sais, j'ai entendu tout le monde le dire, ils sont pas payés, parce que c'est comme disait je ne sais plus qui, c'est des seigneurs. Rouleau de PQ. Rouleau de PQ, disait que c'est des seigneurs, c'est vrai. C'est vrai, c'est des seigneurs, ces mecs-là. Le mec, il va dans un magasin, il se sert, il se casse, et il n'y a pas de problème, quoi. Mmh. Ouais, c'est bien classé, toi. Takashié. Ok, mon pote, c'est louche. Hein. Oui, Gérard, il y a un proverbe chez nous du côté du Japon qui dit « Sumo payé en euros, c'est fait niquer à Tokyo ». Je veux dire une chose, tu parles correctement parce que tu es de la région parisienne, donc tu parles correctement. Hein? Gérard, s'il te plaît, j'habite au 13e arrondissement parisien qui est une communauté chinoise à Paris. C'est vrai. Moi, je sais, je connais très bien. Ouais. Bien, excuse-moi, Gérard, si mes origines te dérangent, si en France nous sommes mal acceptés, nous la communauté. C'est faux. Il n'y a pas de problème, mon pote. Oh! Vous le laissez parler, s'il vous plaît, merci. Ouais. Gérard, mes parents sont d'origine japonaise. Mon père s'appelait Kane, il a grandi dans un monastère. Il a rejoint ma mère à l'âge de 30 ans, ce fut une grande douleur pour nous. Attends, c'est le fils des 4 étoiles du Sud, là. Simolusque. C'est un enfant de la bombe. Attention à ce que celui qui s'amuse à continuer à dire des conneries comme ça. Pas déconner, ouais, là-haut. C'est pas drôle, ça. Ouais. Moi, je pense qu'il faut partir d'un principe simple. L'euro, c'est pour l'Europe. Donc le Japon a droit à l'euro, comme tout le monde. Il n'y a pas de discrimination à faire, c'est tout. Ouais. C'est tout, donc oui, ils ont le droit d'être payés en euros. D'accord. Bien sûr. Moi, je pense que... je vais répondre à un rouleau de PQ qui m'a dit que... Appelle la Lotus. Toi, tu t'écrases, s'il te plaît, merci. Ok. peux m'appeler Lotus quand même. Donc, pour confirmer ce que tu me disais, moi, je pense qu'à mon avis, ils sont payés quand même parce qu'ils ne font pas des débats gratuits ni rien du tout. C'est pas ils font des débats sur quoi? Il ne faut pas de débat, Gérard. Non, non, mais quand ils font des combats, ils sont payés, je suis désolé. Ouais, c'est pas nuance. Combien doit mesurer un sumo? 1m90 à peu près. Non, mollusque. Moi, ouais. au moins 1m, 1m20 de large, au moins. Non. si, sinon il rentre pas dans le pagne. Combien doit mesurer un sumo, putain, tu vas répondre correctement à la question ou pas? 1m3. Bon, allez hop, dégage, au revoir. 1m80. Au revoir. Gérard, je m'appelle Suzy, je fais 200 kilos et j'aimerais bien que tu me prennes le cul. Bon. Ça, c'est une femme sumo. Hein. Ouais. Il y a Davy One, il dit que justement, les femmes sumo, il faut les rouler dans la farine pour qu'elles mouillent, c'est vrai? Non, faut une bouteille d'eau. Même pas. C'est quoi ça? Toi, fais gaffe à ton matricule, Fildar. fais gaffe à ce que tu dis. Attention. T'as qu'à chier. Ok. Les sumo peuvent mesurer, en gros, hein, entre 1 mètre pour la catégorie plume. Et 1m95 pour la catégorie poids vraiment très lourd. Alors, le poids plume, c'est minimum 190 kg. Ketsul 2000, pour l'instant, c'est pas toi que je m'adresse. Ginsu. Hein? Donc, moi, je vais répondre à la question. Normalement, un sumo doit mesurer entre 1 mètre. Il doit pas mesurer. 1 mètre, oui. Il doit faire 1m80. Et ça a été marqué dans le. Ça a été dit dans le reportage que j'ai vu ce samedi. Ouais, mais il y a également des sumo nains au Japon, Gérard, par Passepartout, qui est un grand combattant à Yokozuna de là-bas. Yokozuna est un champion suprême au sumo, pour lequel on organise chaque 1er décembre le sumoton. Ouais, ben 5 minutes, s'il te plaît. Voilà. Oui. Gérard, à la place de Sumolusque, qui est parti, on accueille Thierry. Bonsoir. Oui, salut GG, salut à tous. Salut Thierry. T'appelles d'où? Bonsoir. J'appelle de Amiens. La fréquence? 107.6. Tu kiffes le Nord? Je kiffe le Nord, je kiffe Apo, je kiffe tout le monde. Amiens, c'est dans le Nord? Bien sûr, c'est dans le Nord. Ah oui, ouais, Amiens. Ouais, Gérard, j'habite le Nord, je sais alors. Amiens, c'est dans le Nord. Amiens, c'est dans le Nord. Oui. Non, mais attends, apprends ta géographie, toi. C'est où Amiens, Gérard? Amiens, c'est dans le département 60, et 60, c'est pas le Nord. Ah ouais, c'est tout près aussi, Gérard. Non, c'est dans le département 60, c'est pas le Nord. Alors, Gérard, au-dessus de Paris, c'est quoi? Hein? C'est le Nord, c'est le Nord au-dessus de Paris ou pas? Ouais, mais attends, Amiens, c'est pas dans le Nord, alors, d'accord? Ta bouche à toi. Toi, le Troyen, écrase. Ta bouche. Écrase. Sudiste. C'est dans le sud du Nord, Amiens. Ouais, c'est ça, dans le sud du Nord. Pourquoi pas dans le sud de Paris aussi? Non, dans le Nord de Paris. C'est le Nord 4 dans le sud de Paris. Combien doit mesurer un sumo, donc, à Thierry? À la naissance. À la naissance, un sumo doit... Je sais pas, je crois qu'il n'y a pas de taille limite, hein. C'est, tout est accepté. Du moment qu'après, ils s'empiffrent avec des bols de riz, tout est accepté. Hein. D'accord. Okay, t'as bien répondu. T'as bien répondu. Mais non. Putain, Pildar, tu commences à me casser les couilles avec ce truc-là. Mais c'est bon, Gérard, continue ton débat. Il est où, Gérard, embêté. Oh putain, je sens que tout à l'heure, ça va chier. Hein. Ouais, on se casse. Rigo. Oui, il y a Moulinex qui voulait savoir si la liposuction des sumo, elle est plus chère que celle des que les autres liposuctions, excusez-moi. Là, la question qu'il me pose, lui. Aucune idée. Ça, c'est dur, hein, Gérard. Aucune idée, je peux pas lui répondre. Par contre, GG, t'as oublié de parler des études pour être sumo. Parce qu'en fait, ils font un bac sumo, et puis il y a plusieurs options. Il n'y a pas un bac PD non plus? Non, il y a plusieurs options. Il n'y a pas un bac PD? Non, il y a option. Non, il n'y a pas de bac PD. Si, mais tu l'as essayé plusieurs fois, tu l'as raté. T'as qu'à chier. Oui, les sumo, tu parlais des études? Non, il parlait de la taille. Ah, la taille, j'ai déjà répondu, Gérard. Les sumo au Japon, 1 mètre minimum catégorie plume, plus d'un mètre 80 jusqu'à 2m50 pour la catégorie building. Et GG, il n'est pas chinois, lui. Thierry, tu fermes ta gueule, s'il te plaît, merci. Bon, Gérard. Oui. Il y a Turpentine sur l'IRC, elle aime bien quand tu l'engueules, alors elle te demande si ça t'excite quand Sandy se fait pisser dessus par un sumo. Carpentine, je t'emmerde. Et t'as qu'à pisser toi-même sur toi. Qu'est-ce que tu veux dire, toi? Comment, là, je voulais dire que t'avais raison, ouais. Ouais, ben, t'éteins ton micro pour l'instant. D'accord. Folie, non, mais... rouleau de PQ. Oui, Gérard. Vous me rendez tout. Oh! Je n'ai pas répondu à la question qui m'a fait très intéressante. C'est 20 fois qu'on répond à la même question. Oui, c'est vrai. À la naissance, ils font à peu près 80 cm. Les femmes sumo accouchent debout, c'est assez original. Et ils peuvent grandir... Tu peux parler plus fort devant ton combiné. Ils peuvent grandir jusqu'à 1m80 et obligatoirement faire au moins 2 mètres de circonférence. Fildar! Moi, je connaissais un sumo qui fatiguait les adversaires avec son anus dilaté. Bon. Elle les épuisait complètement. Je sens qu'on va terminer le débat, oui, parce que Fildar Manu sont en train de faire les deux connards. Fildar Manu, c'est les deux PD de la bande FM. Non, ça commence à bien faire. Donc on va laisser la place à Seb. Non. Si. Non. Gérard. Si, Seb. Gérard, sur l'IRC, c'est remonté. On est 9878. Ah ouais. Voilà. Combien? Non, moi, Max, reviens. Viens. T'es trop une star. Ta gueule, toi. Putain, mais c'est pas vrai, ça. Et sinon, sur IRC... Qui c'est qui m'a choisi cet abruti, là? C'est toi encore. Quoi, pour faire les débats? C'est Max? Non, c'est pas Max qui a choisi de tirer. Pour faire les débats, il t'a choisi. Mais qui c'est qui t'a choisi au standard? Bah, c'est toi. Non, pas moi. Je sais qu'il me kiffe. Ouais, moi, je t'emmerde, pauvre con, va. Non, mais sinon, sur IRC, il y a Arnett, il dit qu'il aimerait bien caresser ton gros sumo. Non, bah lui, il va se l'enculer, tu m'as dit combien? Rigo, tu te fous un peu de ma gueule, là, je crois. Oh, tu parles de ta gueule, toi. Il n'y a pas d'Arnett sur IRC. Le câble, il marche pas ce soir. Gérard. Tiens, comme par hasard, il est dans Gérard, les débats. Il y a un auditeur qui te pose une question. Il y a... Takashi va te poser une question. Takashi. Est-ce que tu as entendu parler dans le monde du sumo d'un trafic de Slim Fast? Non. Oh, quelle nouraille! Oh, Thierry, tu t'écrases! Ça commence à bien faire. Alors tu me le vires, celui, il a terminé pour lui. Il retourne retourne dans son lit. J'ai viré Ginsu 2000. Ouais. Il est calme, Thierry. On accueille Judo Boy, d'ailleurs, à la place de Ginsu 2000. Oui, bon. Bon, non, mais c'est terminé. Pourquoi ça fait marrer, non. Gérard, on est 9967. On peut continuer, là, Gérard. Donc, faut continuer là. Sur Minitel, on est combien? Boost question. On est sur combien sur Minitel? On est à un peu plus de 1000 connectés, quand même. C'est bien. Bon, question suivante. Je pleure pas. Il y en a un qui pleure avec tes conneries. C'est pas grave. J'en peux plus. C'est bien, Manu, de choisir des auditeurs qui changent de voix. Hein. Sinon, Gérard, Gérard, il y a Compi Musique sur IRC, il te demande si t'aimes la sumodomie. Non. Donc, y a-t-il autant d'hommes que de femmes sumo? Et on va demander ça à Thierry, le Trablo. Non, je suis pas un travelot, mais sur les sumo, c'est vrai qu'il y a des combats de femmes de sumo, mais c'est assez crade, parce que l'autre fois, j'ai vu des combats, et il y en avait une qui avait ses règles, et en fait, l'autre, elle a glissé sur ses ringagnas, et elle allait s'en plafonner dans le public. Bon, alors, tu sais où tu vas aller t'en plafonner, toi? Je te jure, c'est véridique, c'est Ultimate Fighting. Ouais, c'est ça. Fous-toi bien de ma gueule, parce que j'ai vu le reportage et je vais te dire une chose, que c'était pas des combats de femmes sumo. Hein. Alors là, t'es un peu con, là. Ouais, c'est vrai. Ouais, ben, retourne au standard. Non, au revoir. Comme ça. Au revoir. Rouleau de PQ. Terminé pour Thierry, hein. Il y a autant de... Allô? Je te parle, là, tu fais ton boulot. J'ai des interférences, je t'entends plus. Je te parle, tu pourrais me répondre. Il faut que tu coupes Thierry. Faut que tu coupes Thierry. Ah, je te jure, j'entends rien du tout. Oh là là. Eh mec, parlez-moi. Oh là là. Faut que tu coupes Thierry, Manu. Tu m'entends pas. Tu coupes ma Thierry. Coupe Thierry. Tu vires Thierry, hein? Merde! Enlève ton casque, t'entendras peut-être mieux. Oh là, tout à l'heure, je vais te mettre une barbe dans ta gueule, tu vas comprendre. Je coupe qui? Ta gueule, tu coupes. Voilà. Donc, rouleau de PQ pour continuer et après on arrête. Oui, Gérard, non. C'est sympa. Après, il y a autant de femmes que d'hommes, en fait, parce que c'est pour qu'ils puissent se marier entre eux. Non, mais y a-t-il autant de femmes, autant d'hommes que de femmes sumo? Oui, je te dis que oui, il y en a autant, c'est pour qu'ils puissent se marier après entre eux. Tu peux préciser, parce que là, je comprends. Si, Gérard, c'est pour qu'ils fassent des bébés sumo, comme voilà, ça. Le truc que je veux dire, c'est y a-t-il autant de femmes que d'hommes dans, qui font de, des combats de sport là. Oui, ben on te dit oui, Gérard. Il y a l'instance pour qu'ils puissent se reproduire entre eux. Mais, Gérard, je veux te poser une question. Est-ce que donc quand les femmes sumo elles font des combats, est-ce qu'elles ont seulement un slip? Ça, samedi, j'ai pas vu le, on en a pas vu. Donc c'était uniquement que des hommes samedi. Ouais. Mais, Gérard, sumo c'est une race ou pas? Je sais pas moi. Oh, tu es complètement con. Ouais. Est-ce qu'il y a un pays des sumos ou il n'y a que des sumos? En principe, c'est, le mot sumo vient du mot japonais. Ça s'habille pas, autrement ça... qui c'est qu'on a d'autre Justement, à la place de Thierry, qui est parti, on accueille Nicolas, le petit ninja. Nicolas, bonsoir. Salut, bonsoir Gérard. Salut Nico. Salut. La fréquence, Nicolas. S'il te plaît. Bonjour Nicolas. 107.12. 1, pardon, parce que j'ai une vieille radio, c'est pour ça. Gérard, ça craint sur IRC, il y a un certain F de Babouin, il dit que pour une fois, ton débat, il était bien, on voit que tu t'y connais en sumo, et puisque c'est comme ça, il va fêter ça en allant chier sur ton palier, ça craint. Ah, il est là, lui. Alors lui, tu me l'attrapes et tu me le vires. Ok, je le vire. Et Gérard, il y a sur Minitel, le 1200e connecté qui vient de se mettre. Gonzo qui dit, Gérard, j'ai distribué ton catalogue de cul avec des articles érotiques un peu partout dans la région bordelaise. Ouais. Alors, tu vois, toi, t'es vraiment une fils de pute. Oh là, tu vois, parce que aller balancer ça à l'antenne alors qu'on est déjà assez emmerdé avec Max, avec ça, donc c'est bien. Tu continues de foutre ta merde, bien, et ben continue. Bravo. Continue à foutre ta merde toute la semaine encore. On vient de me dire au standard que la Canebière, Toulouse, Nice, Fréjus étaient touchés. Voilà, et ben c'est bien. Et ton espèce de bébé rose, elle est pas touchée par tes conneries. Oh non, non je pense pas. Aucun rapport, Gérard. Oui. Donc, je voudrais qu'on mette Bibi et après on se retrouve pour la fin du débat. De quoi? On va s'écouter Bibi tout doucement. Bibi fuck. Bibi, c'est ça? Et on se retrouve après. Pas, mais je l'ai pas, sinon on l'a repris. Il est là. C'est la plus grosse de toutes ces reines. Alors lui, tu me le vires. C'est pas moi. Non, c'est pas toi. Non, Gérard, c'est pas moi. Non, tu vires. C'est l'autre, là. Non, tu vires. Dénonce-toi, vas-y, parle. Vas-y, dis ton nom. Parle, auditeur, vas-y, parle. Tu vires, au revoir. Ouais, et on se retrouve tout de suite après pour les deux dernières questions. Donc la question que je vais vous poser, c'est faut-il fabriquer des voitures sur mesure pour un sumo? Et on se retrouve après pour la suite et fin du débat. Hardcore. Et dédié pour Sandy spécialement. On y va. Mais c'est énergie ça. On y va, cher. Allô. Et voilà, donc merci pour le jingle. On dit qu'on met un jingle, tu ne l'as pas. J'ai oublié. Donc là, vous venez d'écouter spécialement dédicacé à Sandy. C'était tout doucement de Bibi. Ma Bibi que j'aime du fond de mon cœur, ma petite chatte à moi. Tu lui dédicaces tout le disque. Ouais, tout le disque en entier qu'on a entendu. Ouais, surtout qu'il était passé entre deux. Non, tu as mon cul. Non, c'était le jingle qui a foiré. Alors. Ouais. Donc alors, pour terminer le débat, il est 2h52. Donc faut-il fabriquer des voitures sur mesure pour un sumo? Et on va demander à Nicolas. Ouais, bah c'est clair que c'est pas un sumo qui va rentrer dans une coccinelle, même dans la nouvelle. Donc je pense que des voitures sur mesure, c'est clair que ce serait plus agréable pour eux. Ouais, mais avant que je demande à Takashi s'il est encore là. Il est là. Avant de demander à Rudo de PQ et puis l'autre, c'est Judo Boy. Et Judo Boy, parce que tu me l'as pas marqué, c'est bien. Moi je te l'ai dit. Donc, je peux vous dire une chose, qu'en principe, d'après le reportage, un sumo n'a pas le droit de conduire. Ah, bah alors, il se trimballe en quart, donc. Ah ben, ça, ouais, je sais pas. Il peut conduire par sa femme. Non, mais il faut te dire une chose, c'est que vélo, c'est pas évident de conduire, vu la taille qu'ils ont. Hein. Ouais, je crois que le mec, il doit faire du skate ou des trucs comme ça. Donc, Takashi. Yeah, bad boy. Gérard, les sumos de toute manière n'ont pas de voiture car ils se déplacent comme les Pac-Man car ils sont comme un ballon. On se jette de 15 citrons sur le Pac-Man. Pac-Man! Ouais, t'es un rouleau de PQ. Ouais, Gérard, ils n'ont pas de voiture sur mesure parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils aient des voitures sur mesure et pas les autres. Par contre, ils ont des costumes sur mesure, ils ont des pagnes spécialisées. Ils ont aussi des cercueils sur mesure parce qu'un sumo c'est quand même balèze donc il faut des roulettes renforcées sous le cercueil. Ils ont, enfin, ils ont plein de trucs, quoi. Ils ont des grands. Non, mais attends, Rouleau. Oui, Gérard. Le PQ, je pense qu'elle est en train de reprendre la question numéro 6. Peux-tu me la rappeler, je te dirai. C'était combien coûtent les habits qu'un sumo porte pour un mariage? Donc, tu me reprends à peu près la même question. Oui, non, mais elle a parlé de cercueil, ça n'a rien à voir. De cercueil, je te parle de lit renforcé, de fauteuil, tout ça. Donc, ça n'a pas grand-chose à régler. Pour l'éternité. Bon, le dernier, là, c'était... Judo Boy. Ouais, bah écoute, non, mais sur les cercueils, elle a tout à fait raison. C'est vrai que dans les morgues chinoises, il y a un problème. C'est qu'il faut deux fois plus de place pour garder un cercueil de sumotori. Mmh. Et ça, c'est des problèmes de vie quotidienne qu'on n'imagine pas quand on voit deux gros tas de viande en train de se mettre, là, dans une arène, quoi. Mais moi, je peux vous dire une chose, que j'ai jamais vu encore un sumo aller chercher une voiture. Hein. Moi, Gérard, j'ai pas compris un truc, c'est au début des combats, les sumos, ils balancent du riz par terre. Pourquoi? Non, c'est faux. Si, c'est vrai. Pour les pigeons, c'est parce qu'ils se marient. Ouais, c'est comme dans les mariages. Mais non. Est-ce qu'ils récupèrent le riz pour le manger? Ouais. Non. Moi, je connaissais un sumo espagnol, il balançait de la paella, c'était dégueulasse. Ouais, c'est ça. Et pourquoi pas du couscous aussi, tant que tu gagnes. Donc, dernière question. Y a-t-il... un pilote dans l'avion. Non, un sumo a-t-il le droit de faire l'amour? Ça, c'est une question... C'est ce qu'on disait tout à l'heure. T'imagines un sumo avec une bonne femme de 40 kilos en train de la prendre en missionnaire? Ouais. Je te signale. Oui. Parce que si je parle de cette question-là, si vous avez bien regardé le reportage, il y a un sumo qui est marié, qui a des enfants. Ouais, il a niqué dans le reportage, on l'a vu. Attends, toi... Il a fait, Gérard, sérieux. Il peut faire qu'une chose, c'est étouffer sa femme en même temps. Nicolas. Okay. Bah, je viens de te répondre, c'était moi. Ok. Gérard, en fait, sur IRC, ils me parlent tous de l'inverse, en fait. Ils me parlent d'un éventuel petit moustachu qui baisera un gros sumo. Ouais, c'est ce que je te disais. Toi qui vis le problème de l'intérieur, raconte-nous. Oui, c'est vrai. Justement, et au niveau de la question de Rigol, il y a Tarzan sur Minitel qui dit « Bip, à un anus de sumo, tout le monde y met sa viande. » Oui. Mmh. Ouais. Lui, il ferme sa gueule, d'accord. Parce que chez qui veut parler. Donc, Nicolas, t'as caché pour finir. Oui, Gérard, le problème de sumo que j'ai bien connu au Japon, c'est que eu égard à leur grosse taille et leur gros ventre, le pénis a du mal à pénétrer dans la femelle. Donc, le sumo est obligé de viser. Mmh. Et comme il ne voit pas son sexe, il ne peut que viser que de manière aléatoire, à moins qu'il ait installé, bien sûr, un rétroviseur sous ses couilles, ce qui est une opération très onéreuse. Donc, le sumo n'a que très peu de chances de faire l'amour, alors il se masturbe avec des baguettes chinoises. D'accord. Rouleau de PQ. Oui, un sumo a tout à fait le droit de faire l'amour. Au contraire, ça brûle des calories. Et par contre, je conseille plutôt aux femmes sumo de se mettre dessus plutôt que dessous, parce que c'est vrai que se faire écraser, ça devrait pas être top, quoi. Moi, mais je pense aussi. Non, mais la veuve, ça donne ça. C'est qui? C'est qui l'auditeur qui vient de parler? Qui? C'est qui? Bon, l'auditeur qui vient de parler, tu réagis ou pas? Bon, c'est pas grave, je peux parler, moi? Ouais, ben, vas-y, c'est pour finir. Ok, donc j'ache des bières. Moi, je suis d'accord avec Takashi. Je pense qu'effectivement, avec, ils doivent avoir bien 20-25 cm de graisse entre les fesses, enfin, devant le trou de balle et devant la coquette. Donc, t'imagines l'affaire pour aller trouver le machin, c'est-à-dire faut y aller au périscope, c'est clair. Sinon, je pense que si t'as bien lu le Kama Sutra, tu regardes dans les dernières pages, il y a 2-3 positions qui sont adaptées aux personnes de forte taille. Et je te conseille la boule. C'est bien. Comment la boule? Bah, tu pousses, ma chérie, et ça roule. Question IRC pour finir, et puis tu me donneras le petit point IRC. Et avant qu'on demande la conclusion, il y a une question qu'on est en train de se poser avec Max. C'est que... Genre, tu te poses des questions. Oh ouais, genre. Merci. C'est du mytho, ça. Ouais. Combien qu'on est, là, pour finir? Ah, vous voulez savoir combien on est? Ouais. On est 9997. Oh, merde. J'aurais pas encore atteint mon chiffre des 10 000. Mais par contre, il y a une question qu'on se posait avec Max dans le bureau là pendant. On n'a pas le temps, Gérard, désolé. Pour l'instant, c'est pas toi qui commande, j'ai le droit, il reste encore 2 minutes. Donc, on voulait savoir. Ouais. On voulait savoir. Ta gueule. Est-ce qu'il y a des claviers d'ordinateur pour sumo, des trucs comme ça? À combien de personnes peut être connectées sur l'internet? Si c'est des sumos, moins. Bah ouais, ça dépend. Non. On n'en a rien à foutre des sumos, donc je voulais savoir, parce que c'est la question. Pourquoi que... tu fais un débat dessus, alors? Ça dépend du poids, Gérard. Non, non, mais combien de personnes peuvent être connectées d'un seul coup sur sur l'internet? À combien de personnes sur l'internet? Je pense que c'est illimité. Je pense. Bah, ça dépend si Rigo est en forme ou pas. Toi, quand je t'appellerai pas, tu sortiras tous les quand tu auras un anse à ton cul, je boirai mon café dedans. D'accord? Ah, bon, Morgane, il est en train de mettre 666. Alors, conclusion du débat. Donc, on va demander à Nicolas pour la conclusion. Nicolas, s'il te plaît. Ah, pardon. Ouais, bah, je suis en antenne, c'est génial. Ça y est, ouais. Conclusion. Pas de comeback. Pas de comeback. Alors, Gérard, ton débat, c'était mortel. Bon, les sumo, je sais que t'as donné plusieurs fois dedans, et pas qu'une fois. T'as tapé dedans. T'as plus tapé dedans que de donner dedans. Mais sinon, c'était génial, et le débat sur l'internet aussi mortel. Il piquait du gras dans mon sumo. T'as cassé. Il piquait des baguettes dans mon porte-monnaie. Oui, pour conclure, il me foutait des mêmes dans le cul. Est-ce que je peux conclure, s'il te plaît? Vas-y, je t'écoute. Je voudrais dire que si tous les sumo du monde se donnaient la main, on aurait le plus grand collier de perles du monde. Mmh. Non, c'est vrai. Mmh. Moi, je voudrais bien un jour que s'il y a quelqu'un qui nous entend en Chine et qu'on ait des salles, des grandes boîtes, je voudrais bien être invité avec Max pour voir comment que ça se passe là-bas une soirée. Bah, donc, rouleau de PQ. Jamais allé là-bas? Non. Rouleau de PQ. Oui, alors Gérard, pour conclure, je voudrais dire que c'était un débat très intéressant, qu'on a beaucoup appris. Tout en fait. Ouais, exagère pas quand même. Que je kiffais mes potes et je suis super contente, je suis très fière de nous en fait, parce qu'on n'a pas du tout mentionné une seule fois le nom de Sandy. Et non, presque pas. Ouais. Foutez-vous pas de ma gueule. Date, effectivement, ouais. Ouais, foutez-vous pas de ma gueule. Pas du tout. Non, tu t'oserais pas. Ah non, pas du tout. Non, non tu m'y laisserais. Bah, bien sûr. Ouais. Ouais. Le dernier, c'est Judo Boy. Et ouais. Judo Boy pour finir. Loge de bière. Donc bah écoute, moi en conclusion, je pense que t'as super bien fait de faire ce débat, parce que des fois tu fais des débats qui te concernent pas trop, genre je sais pas moi, l'argent, l'intelligence, tout ça, les stars télé, alors que bon t'es pas grand chose quoi. Non, presque pas. Non, attends, là t'as fait un débat qui te concernait, c'était bien. Donc voilà. Parce que... Non, je suis pas sumo, hein, je te signale. Non, tu vis quand même le problème de l'intérieur. Ah non, parce que je vais te dire une chose, que je peux pas être sumo, parce que vu le poids que je fais, je suis pas sumo. Non, t'es si à moi toi. Non, toi, t'es entraîneur de sumo. Bon, et non, il y a une deuxième chose. Et ta sœur, elle est entraîneur de quoi, elle? Que je tenais à dire, et là, je vais prendre ta défense, parce qu'il y a quand même, que, contrairement à ce que disait l'auditrice, il y a des gens qui ont parlé de Sandy. Et ça, c'est pas gentil, parce que Sandy, elle est pas grosse, elle est parfaite pour un sumo, elle est pas grosse du tout. C'est bon. De toute manière, Sandy a fait son poids et c'est tout. Voilà, donc, moi, je l'aime comme elle est. Elle passera pas dans l'autre catégorie. Je tenais quand même, Gérard, à prendre sa défense, quand même. Non, mais c'est bien que tu prennes sa défense. Je peux vous dire une chose, que Sandy a fait son poids, et je ne donnerai pas son poids. Elle est comme elle est, c'est tout. Maintenant, si personne peut l'aimer, peut l'avoir en peinture, eh ben dans ce cas-là, moi... on l'aime bien, on l'aime. Non, mais elle a bien. Le droit de faire 60 kilos de la jambe droite, je veux dire, elle a le droit, c'est tout. Je vais dire une chose, elle ne fait pas 60 kilos de la jambe droite, elle fait 61 kilos depuis qu'elle est avec moi. Elle a perdu 14 kilos. Waouh, bravo. Et moi, je l'aime comme elle est. De toute manière, c'est pas pour ça que je la laisserai tomber, au contraire. Ouais. Voilà. C'est pour ça que j'aimerais que les auditeurs respectent quand même ce gros tas de viande. Alors, tu vois, je vais te dire une chose. Oui. Que le gros tas de viande t'emmerde, et moi, je t'emmerde avec. Mais pour Rafa Cochère, elle est mignonne, quoi. Ouais, et ben, moi, je t'emmerde. Gérard, il est là. Ok. Ouais. Donc, alors, vendredi, vous allez retrouver... Ta conclusion, déjà, Gérard. Ma conclusion, vous avez foutu que de la merde sur les deux débats, donc on va faire une petite réunion. Mmh. Ah, j'ai pas le temps, hein, je me casse. Non, il y a une réunion. De toute manière, s'il peut pas, c'est pas grave. En plus, il faut qu'on fasse la réunion ici parce que le bureau a été pris par Morgane et en fin de compte, c'est Seb, on va faire ici parce qu'il mixe d'en face. Donc, la conclusion pour moi, ça a été de la merde, les deux débats, comme d'habitude. C'était bien. Ils n'ont pas été capables de me gérer les auditeurs. Quand je vous dis, on ne prend pas Tony, ni tout ça, donc je voudrais bien que ça soit irrespecté. Ah, tout ça, il n'est pas passé. Tony, il était... Tout ça. Ouais, mais même, j'aime pas trop. Donc, voilà, donc on va se quitter avec, pour finir, je pue de lire qui avec caresse-moi le clavier avec tes poils de couilles. Alors là, j'espère que c'est un bon truc. Non, c'est le bon titre. Ah, c'est de la bombe. Donc avant de retrouver Seb pour la nuit sans pub, n'oubliez pas que demain, Max sera à la loco et il y a une soirée Il y a une soirée à Marseille, au Dôme de Marseille. Au Métropole avec Rego qui sera au platine en premier. Donc c'est pour la compil Groove. Métropole Groove. Métropole Groove au Dôme de Marseille. Les noms, tu veux les noms des... Bah ouais, donne-moi les noms pour la loco. Je sais qu'il y a Strombez. Non, il n'est pas là ce week-end. Donc il doit y avoir... de toute manière, je pense que t'es au platine, toi, ce week-end. Non, il est aux lumières ce week-end. Il est aux lumières, toi, tu ferais mieux de t'écraser et d'apprendre à mixer parce que tu mixes comme un as. Je t'ai écouté hier, c'était de la cata. Mais non, c'est pas moi. C'était du caca. Tu nous as fait du caca. Alors tais-toi. Donc, qu'est-ce que je voulais vous rajouter? Donc, la semaine prochaine, ben, je vais vous retrouver pour deux débats. Oh merde. Je ne sais pas encore ce que c'est. Je vais trouver des thèmes. On peut faire un débat sur la préhistoire, Gérard. Normalement, si je me trompe pas, et je pense que cette semaine, on devrait avoir les sosies de Jean-Luc Delarue. Et Florian Gazan. Et puis ton sosie de Johnny Hallyday, il vient quand, toi? Il nous a posé en lapin. C'est un faux. Et après, il y a Seb qui prend l'antenne et puis on fait la réunion dans le studio, là. Donc, alors, vous allez retrouver à la loco, donc, à Paris. Donc, c'est Gigi Maurice, Gigi Lune et Sylvie et Yvonne au percut. Et moi, je me retrouve la semaine prochaine pour d'autres débats, à moins qu'il y ait des problèmes avant. Et s'il y a des problèmes, eh ben, vous risquez de m'entendre sur l'antenne. Voilà.